Ah, c'est fou la roulade. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Non, attends un peu, François, je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure intro pour aujourd'hui. Non. Non? Non, je pense qu'on va retourner à l'intro d'hiver. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Oh, ouais. Oh. Ouais, ça a plus de sens. Tu me donnes bien. Ben ouais. Un Pepsi, ça va? Non. Je pense à l'université, c'est un Coke. C'est la dernière. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Simon Fitzbay expose la vie de Lemmy de Motorhead dans Phénomène. Et on est politiquement correct avec François Landry. Assemblage requis, dernière de la saison d'hiver. Bonjour et bienvenue à cette dernière de la session d'hiver pour Assemblage requis en ce jeudi 21 avril 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Et oui, dernière déjà. Déjà. Hey, ça passe vite, hein? Sérieusement. Ouais. Oh oui. Ça passe quand même vite, malgré que là, j'ai l'impression que le travail est déjà terminé. Parce que faire l'émission, c'est tellement une partie de plaisir. C'est juste se lever le matin. Et puis là, c'était la dernière fois. Qui est moins plaisant. Ouais, tout à fait. Le travail est fait. On s'est débarrassé. Donc, aujourd'hui, dans l'émission, on a la présence de Simon Fitzbay qui va nous présenter, comme à chaque semaine, un groupe rock ou un artiste rock. Et là, c'est Lemmy de Motorhead. Oh, d'accord. Et on reçoit aussi François Landry avec sa chronique Logo Crassisseur. Oui, aujourd'hui, c'est le creuset de fin de session. À chaque semaine, il nous donne une petite devinette. On sait jamais trop ce que ça veut dire. Tu m'as dit hier que c'était un chaudron. Ouais, un creuset, c'est un chaudron. Sinon, écoute, on n'a pas plus d'indices que ça. Hein? Ben non, on va lui demander de creuser le sujet pour nous. Oh! Je vais s'attendre à ça un peu. On a aussi un concours de chocolat grâce à Alan Candy Company. Exactement. En fait, on va retirer un ensemble de cadeaux de chocolat d'une valeur de 50$. Ouh! Un peu plus tôt, cette émission. Oui, on va faire ça dans la première demi-heure. Ouais, on va essayer. Ça va vous faire plaisir, ça va nous faire plaisir de vous faire plaisir. Oui. Aidez-nous à vous aider. De vous donner des caries aussi. Des caries. Ben, si vous ne brossez pas les dents après tout cet ensemble cadeau. Tout le monde brosse les dents deux fois par jour, matin et soir, en plus d'après chaque repas, voyons. Me semblait aussi. Ouais, c'est ce que je croyais. Donc, belle émission chargée pour vous en cette fin de session presque. En tout cas, pour nous, je sais que les cours ne sont pas terminés avant la semaine prochaine, mais nous, on ne sera pas là la semaine prochaine. Non. Ben, on va être là, mais pas là en même temps. C'est ça, on va être au bureau, mais on sera pas à la radio. On va être là, par contre, jeudi prochain. Et ça, on aura l'occasion de vous en reparler. Ça va être notre grosse émission fin de session avec tous nos chroniqueurs ici à Assemblage requis. Formidable. Ça va être très bon le 28 avril. Mais on débute notre émission avec The Almost. Voici Birmingham. To breathe. This whole thing makes me. getting free, just like I gotta be. This whole thing makes me sick. I'm so tired of dealing with it. I am so mixed up. Used and bruised up, lighting of it. Looking for this to change. Mathieu Plante a une idée. Arrêtez de respirer. Ça sent mauvais, ça sent le brûlé. Non, après cette pièce de Chinatown, tu es un hit. Je pense que ce serait le moment. Moi, t'es le succès monstre dans la vie. Succès monstre? Un succès monstre, c'est d'avoir du chocolat en sa possession. Et là, soudainement, tous les gens autour de toi accourent vers toi. Veulent être ton ami. C'est ça. C'est une très bonne idée, Mathieu. Merci. Très, très bonne idée. La meilleure que tu as eue dans arrive. L'émission. Ah oui, bon. On a encore un bout de temps, 1h40 pour d'autres meilleures idées encore. Ça. Ouais, je sais pas si on va te battre, mais effectivement, effectivement Mathieu, en fait, on a un ensemble cadeau de chocolat à faire tirer. Tout ça offert gracieusement par... Alan Kenny Company. Merci, Mathieu. Oui. Vous avez la chance de gagner un lapin de Pâques, un membre populaire de la famille Alan Candy, évidemment, comprenant aussi Monsieur Munchy. Monsieur Munchy. Monsieur Naughty. Monsieur Naughty. Madame Fluffy. Madame Fluffy. Et Solid Junior. Solid Junior. Ainsi que des au chocolat Lilliput. Lilliput. Et beaucoup plus. Plus. Le tout d'une valeur de 50$. On fait un très beau duo. Quelle équipe. Donc voilà, en fait, les informations sont dites. Hein? Oui, vous pouvez nous téléphoner en direct par téléphone au 819-376-5183. Aussitôt que la pièce musicale commencera, 819-376-5183. Et on prend quel appel? Le premier. Pas de flafla aujourd'hui. Eh ben, OK. On fait pas de la dentelle. C'est facile, ça. Donc, 819-376-5183. Retenez-vous pas à l'appeler, là. Non, non. Appelez, là. Appelez. Premier appel, 819-376-5183. On écoute MGMT avec Kids. Et puis, on revient après avec plus de superbe contenu, un petit peu moins chocolaté dans ce cas-là, mais quand même. 819-376-5183. J'attends encore quelques secondes. Allez. Oh, ça sonne. Oh!

Dans la section, tu l'as. Ok, ok, parce que là, j'étais pas sûr. Ok, ok, ok. Là, si t'es pas sûr, tu me fais penser peut-être que j'ai tort. Ah! Mais tu sais. Ça serait pas nouveau. Non. À mon sujet. Non, mais est-ce que t'aimerais ça que j'aille tort? Je suis plus sûr, là. Je suis trop la conversation, en fait. Sûrement comme l'auditeur moyen, là. J'ai aucune idée de quoi on parle. Malajube, chienne folle, tout de suite. Sur C'est Fou. 89.1 FM. Vous êtes à Assemblage Requis. Hein? Pour encore quoi? 1h15? Exactement. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. You'll be a bright light coming out of the dark. All the doctors blinking hard. You'll be lightning coming out of the storm. It's a message, it's a miracle. can feel you. And there's no backing out of it. So forget where you've been. You'll never be that good again. And we must only look ahead. And soon you're 33, and everything you tried to be was pulled apart by fear and greed. But young hands build you up, they carve your face in honest rock, or sunlight on your noble jaw. But young hands build you up. I'm happy that you've come along. I'm happy that you've come. Construite à partir de matériaux de qualité, assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. The most most beautiful things that brought you so close to my heart. For people wandering the same level plains, so waiting for wisdom to shout out their names, but never exchanging a look or a thrill that would shoot you straight dead in the heart. To the senses of order, motherly, waiting for our children to comfort. Let the sky be littered with radiant hearts, waiting to guide you back home. Bon choix, François, c'est bien celle-là que tu voulais entendre? Oui, oui, tout à fait. Tu l'avais entendu au palmarès, c'est fou, c'est ça? Dans les palmarès, tout à fait. Et puis, je trouvais cette pièce-là très, très bonne. Ben, t'as bien choisi. C'est Black Mountain avec la pièce Radiant Hearts sur leur album Wilderness Heart. Une chose qu'on fait pas assez jouer, ce CD-là. Pourquoi? Sûrement parce qu'un requin, ça a l'air trop rock pour moi. Mais finalement, ce n'est pas tant que ça. Non, la pochette est belle. Ouais, quand même possible. La pochette. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve dans quelques minutes à peine avec Simon Fitzbé, sa chronique Phénomène. Il nous parle de Lemmy de Motorhead. Ça, oh! C'est rock. C'est très rock. Et puis après ça, on aura la chronique politique de François Landry vers les 8h30. Et quoi d'autre? Et nous? Et puis nous, en pièces détachées. Pour encore une heure. Exactement. Savourez-nous jusqu'à la fin. Bon, jusqu'à la dernière goutte. Hein? C'est ça qui est... attends un peu, là. Attends un peu. C'est bon. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. C'est la deuxième heure de la dernière émission de la saison d'Assemblage Requis en ce jeudi 21 avril 2011. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, on est un parmi des uns, finalement. Sur le site un parmi des uns. Ah, mais Némi. Il n'y a pas grand nous autres aux États-Unis. Non, tout à fait. Au Canada, ben, je comptais contre. Aussi. Oui, ben, on est unique. Oh, exactement. On est spécial, on est complètement original et en direct en ce jeudi matin. Exactement. Maintenant, François, j'ai entendu dire, et là, ça me tracasse un peu, là, parce qu'il arrête. Ça tracasse l'esprit. Il dit qu'il y a une surprise pour nous. En tout cas. On va l'entendre tout de suite à l'instant. Voici Phénomène avec Simon Fitzbé. Simon Fitzbé dit qu'il a une surprise pour nous. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Très bien. Est-ce que ce serait très bien, oui. Est-ce que ce serait notre célèbre groupe de musique? Tu sais, quand on chante, François et moi, on chante des chansons, mettons pour Émilie Gauthier, on fait genre Émilie Gauthier, merci pour ta chronique. Mettons, quand on fait ça, c'est pas ça? Ah, ben c'est pas trop loin de ça, franchement, oui, parce que j'ai décidé. Tu m'inquiètes, là. J'ai décidé de scinder ma chronique en deux ce matin. On va avoir un vrai artiste après. OK. Mais on va commencer avec un duo.

fini. Oh, oui. Ouais. Donc, vrai sujet de ta chronique d'aujourd'hui, Simon, tu me parles de Lemmy de Motorhead. Oui, exactement. Messieurs, est-ce que vous êtes familier avec l'expression anglophone badass? Oui, ben, gros gradure. Ouais, vous avez déjà entendu ça. Dans le monde du rock, en fait, un badass, c'est généralement un musicien qui botte des culs par son attitude, sa façon de jouer de son instrument, son aura ou ses habitudes de vie qui allient sexe, drogue et rock'n'roll. On a vu tout au long de la saison bon nombre de musiciens qui ont botté des culs pendant une partie de leur carrière, qui ont rencontré des murs par contre, qui ont mis fin à ce pan-là de leur carrière, ce pan badass, malheureusement. Bien souvent, il s'agit de la mort, comme Jimi Hendrix, Kurt Cobain ou Jim Morrison. Pour d'autres, comme Keith Richards, c'est l'âge ou la peur d'être mis derrière les barreaux, hein, bien sûr, parce qu'il avait été pris avec de l'héroïne. Et donc, mis derrière les barreaux pour plusieurs années. D'autres, comme Ozzy Osbourne, se calment pour leur santé. Parce que, tu sais, à un moment donné, ça rentre plus. Ouais. Et donc, il y a tout ça. Mais par contre, il y a une exception à toutes ces règles. Un rocker unique qui poursuit ses idéaux du sexe, drogue et rock'n'roll et pousse les standards du style de vie à l'extrême sans sourciller. Messieurs, pour la finale de la saison, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vous présente le meilleur musicien, le plus grand musicien, le plus tough du rock. Probablement le seul humain qui, tel un cafard, pourrait survivre à une attaque nucléaire. Le seul et l'unique, le véritable roi du rock'n'roll, Lemmy. Simplement. Lemmy. Et j'ai essayé de faire ça un petit peu différent d'habitude. Là, on n'aura pas toute sa biographie, toute sa vie. Puis ça aurait pris quand pratiquement, j'aurais pu faire une saison complète sur Lemmy. Mais ça reste un personnage un des plus particuliers du rock. Il est effectivement rare de voir un bassiste, entre autres, devenir aussi populaire dans le monde du rock. Par contre, sa façon de jouer de l'instrument est unique. Il joue tellement fort qu'il frappe sur ses cordes de sa basse comme s'il s'agissait d'une guitare. Et sans sourciller, lui, il n'y a pas de problème. Même si c'est dur, ça fait mal, il n'y a pas de problème. Sa voix étouffée aussi par des centaines de cigarettes qu'il grille à chaque semaine. C'est incroyable, c'est pratiquement 4 paquets par jour depuis longtemps. 4 paquets? Oui. Ça fait qu'il a rendu son groupe Motorhead reconnaissable partout dans le monde. Lemmy a également fréquenté les plus grands de ce monde. Il a commencé, entre autres, par Jimi Hendrix, pour qui il était roadie. Il était roadie pour Jimi Hendrix Experience. Ça veut dire qu'il transportait ses trucs. Il transportait des trucs parce que c'était en fait le coloc d'un des membres du groupe, de Noel Redding, qui s'est joint au Jimi Hendrix Experience et donc qui ont décidé de donner une job à Lemmy qui s'appelait Ian à l'époque. Ce job lui a permis de connaître le monde du rock et ses nombreux attraits, mais Lemmy, qui avait déjà joué dans plusieurs groupes locaux, avait faim de la scène. Il profitait de tous les temps libres qu'il avait sur la route pour jouer de la guitare. Donc, lui, c'était vraiment devenir musicien qui était son but. Et c'est en 1971 que Lemmy se joint à Hawkwind, un groupe de space rock psychédélique. Et donc, au sein de ce groupe-là, il occupe le poste de bassiste. C'est la première fois donc qu'il a une basse entre les mains et c'est là qu'il développe également son jeu basé sur la guitare rythmique. Hawkwind met également sa voix à contribution comme chanteur. Il est également responsable de la chanson qui a fait sortir le groupe de l'ombre et qui l'a rendu populaire aux quatre coins du monde, la pièce Silver Machine, lancée en 1972. Hawkwind avec la pièce Silver Machine, une composition de Lemmy qui est alors le petit nouveau dans le groupe et qui a amené le premier gros succès. Là. C'est avec ça que Hawkwind a pu se rendre dans les palmarès. Il est devenu également par excellence le groupe par excellence plutôt des dopés. L'album Space Ritual spécialement est un album culte chez les amateurs de space rock pour son son psychédélique et la place qu'occupe Lemmy. Sur scène, les stroboscopes créent des crises d'épilepsie et Stacia, une mime de 6 pieds à la poitrine gigantesque une dans mime. Son nu sur scène, oui, appuie l'aspect visuel du groupe. Elle était... c'est assez spécial. C'est une très grande femme oui. avec une poitrine volumineuse uh-huh. qui était nue sur scène et qui faisait... de la danse. Mais elle était pas peinte blanche. Là. Oui. Elle avait genre... moins jolie. Elle se peinturait un masque. Ah non, mais t'as quand même une ouais. belle fille. Je vais aller faire mes recherches. Oui, t'es revoir, Stacia. Et donc, malheureusement, malgré tout, l'histoire de Lemmy et d'Hawkwind n'est pas des plus réjouissantes puisque dans l'arrière-scène, il y a quelques problèmes. Voyez-vous, c'est que tous les membres du groupe étaient tous sur des drogues, généralement des hallucinogènes et autres opiacés, alors que Lemmy, lui, était accro au speed. Ah ouais? Donc, ouais. Une drogue qui n'envoie pas en transe, mais qui permet de rester debout toute la nuit. Lemmy se couchait souvent à l'heure où le groupe se préparait à reprendre la route, ce qui lui valait plusieurs réprimandes. Et en 1975, alors que le groupe passe au poste frontalier entre les États-Unis et le Canada, Lemmy se fait prendre pour possession de drogue. Il avait des speeds dans ses bas. Dans ses bas. Ouais. Et donc, il y avait le speed dans... des talons. Donc, le groupe l'a sorti de prison pour un dernier concert et l'a jeté à la porte aussitôt que son remplaçant est arrivé. En fait, c'est qu'il a été chanceux également parce que les postes, les gardiens frontaliers pensaient que c'était de la cocaïne, mais c'était du speed. Et au Canada, on peut pas vous accuser du même crime deux fois si on s'est trompé. Ah, ouais. Fond, c'était du speed, ils l'ont lâché. Contrairement aux États-Unis où si tu te fais prendre avec du speed, ouais, peu importe la drogue, tu te fais mettre en prison. Et donc, il se fait mettre à la porte. En plus, ils l'ont laissé aux États-Unis, alors que Lemmy est anglais, le groupe est anglais, donc t'es un peu comme perdu. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il revient en Angleterre déterminé à continuer à rocker et cette fois-ci, il forme son propre groupe. Il le forme avec Larry Wallace et le batteur Luke Fox. Après avoir nommé le groupe Bastard, Lemmy décide de le nommer d'après la dernière chanson qu'il a écrite pour Hawkwind, Motorhead. Et donc, c'est un mot courant dans le langage américain pour désigner accro du speed. Oh, Avec la pièce Motorhead, tout simplement. C'est simple de même. Oui, dans le cadre d'Assemblage Requis, dans le cadre de Phénomène, en fait, qui est dans Assemblage Requis. Phénomène étant une chronique, Assemblage Requis, une émission. Oui, Mathieu Plante et François-Olivier Marchand, qui sont des animateurs. C'est ça, ouais. Simon Fitzbé de son prénom. Oui, qui est un chroniqueur. Simon Fitzbé, c'est son prénom? Oui, non, non, son nom de famille, c'est quoi? Simon, c'est son prénom. Fitzbé, c'est son nom de famille. Ok, exactement. Ah, Simon Fitzbé, Simon. Mettons. Simon et Simon. Oui. Comme ouais, l'émission ça, c'était, ouais, c'était des détectives. Hein? Ouais, c'était... c'est ça. Ah. Simon and Simon. Ouais, c'était... ouais. J'écoutais ça quand j'étais jeune. Je disais, hey, c'est mon nom. Ah! Je comprends rien, c'est en anglais. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, on parle de Motorhead aujourd'hui. Oui, et Motorhead, donc, qui devient populaire, en fait, dans le milieu underground avec leur premier album du même nom et d'autres qui ont suivi. Et il fait référence à la drogue, à la rébellion et la violence. Rapidement, il va séduire les punks et les fans de heavy metal. Un fait d'armes qui est rare pour les groupes de hard rock, c'est-à-dire de réunir les fans de heavy metal et les fans de punk, puisque les deux se détestent. Et c'était une guerre, en fait, qu'il y avait à la fin des années 70 par rapport à qui est-ce qui sont les plus hot, c'est-à-dire le heavy metal ou le punk. Le groupe est au sommet de sa popularité entre 1980 et 1981 avec l'album The Ace of Spades dont est tiré en fait le simple du même nom. Il va rester plusieurs semaines dans les palmarès et depuis 1975 en fait Motorhead a lancé une vingtaine d'albums qui ont donné une réputation de groupe culte à Lemmy et ses acolytes qui ont changé depuis les années mais le chanteur qui représente l'âme et le cœur du groupe est toujours resté le même. Donc c'est Motorhead s'est centré autour de Lemmy, les autres peuvent changer mais lui sera toujours là. Et toujours. Vitam éternel. Toujours, toujours. Toujours. Il mourra jamais. Et donc, Motorhead est considéré comme le groupe à l'origine de la vague de heavy metal des années 80. En fait, il était à l'origine du thrash metal qui a influencé, entre autres, Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, le Big Four, comme on dit. Et de plus, après 36 ans d'existence, le groupe se retrouve encore sur la route au moins 6 mois par année. Ils ont pratiquement manqué aucune année de tournée et sont déterminés à donner, bien sûr, le meilleur concert pour les fans qui vouent un culte incroyable à Lemmy. Lemmy est un véritable phénomène de la nature. Il s'est jamais caché sur sa consommation de drogue. D'ailleurs, il a déclaré que la raison pour laquelle il est pas mort des abus, c'est que ça réside dans le fait qu'il s'est jamais injecté d'héroïne ou de morphine. Alors qu'il était jeune, sa copine s'est injectée de l'héro une fois, juste pour voir comment c'était, et elle est morte de cela. Donc, ça fait peur. Ouais, ça fait très peur. Et c'était l'amour de sa vie et la raison pour laquelle il ne s'est jamais marié ou il n'a jamais eu de copine stable. En fait, il n'a jamais dit ça lui-même, mais plusieurs de ses proches ont dit que ça l'a beaucoup, beaucoup marqué. On peut imaginer, oui. Ouais. Et en plus de ses habitudes de drogue, Lemmy est reconnu pour sa consommation de Jack and Coke, c'est-à-dire donc Jack Daniels et du Coke mélangé. Ouais. En fait, la rumeur veut qu'il boit un 26 onces de whisky par jour et qu'il n'est jamais trop saoul. Et ça, d'ailleurs, il y a eu des histoires par rapport à ça, à des musiciens qui veillaient avec Lemmy et disaient « Hey, tu veux-tu du Jack? » Il disait « Ouais. » Il sortait un 26 onces, il lui donnait, lui il prenait une gorgée, il passait à l'autre, il l'aimait, il sortait un autre 26 onces, il lui redonnait, il fallait que tout le monde en aille un, il boive ça comme une bière. Hey. Ah. 26 onces à 40% d'alcool, c'est quand même assez gros. Si vous êtes de passage à Los Angeles, pendant l'hiver surtout, arrêtez au Rainbow. C'est le resto légendaire qui est le second domicile de Lemmy, qui habite d'ailleurs dans un 2,5. Hein. Il reste dans un tout petit appartement rempli de stock. Ouais, mais il dit que ça vaut pas la peine de rester dans un gros manoir, dans une grosse maison, puisque 7 mois par année, il est pas chez eux. Il est pas là. Et il est souvent au Rainbow en même temps, et il habite seul, donc c'est pas vraiment pas très très grave. Il passe ses journées au Rainbow, donc à jouer aux machines à sous et en buvant du Jack and Coke, fumant cigarette sur cigarette sur cigarette sur cigarette. Quatre paquets par jour? À peu près. Ouais. Et il est toujours très, très sympathique. Si vous allez lui parler, vous laissez terminer sa game de machine à sous. Oui, interrompez-le. Oui, c'est ça. Mais il va accepter de prendre des photos, il va accepter de vous parler. C'est vraiment génial. Moi, d'ailleurs, si jamais je vais aux États-Unis, il faut que j'aille à Los Angeles, au Rainbow, payer un Jack and Coke à l'ami. Et peut-être qu'on va partir sur une ballonne ensuite et qu'il va me ramener chez nous. Ben oui, pas capable de marcher. Et donc, l'ami est une véritable légende vivante. À 65 ans, il est en bonne santé. Les médecins lui ont d'ailleurs recommandé de continuer son train de vie démesuré, puisque c'est ça qu'il tient en vie. Quel conseil! Oui, ouais, c'est incroyable. Un jour, nous serons tous morts et l'ami immortel devant l'immortel sera sur scène quelque part dans le monde, prêt à donner un autre concert légendaire. En tout cas, si vous n'étiez pas réveillé, ben, je pense que ça va vous donner un petit coup en dehors du lit. Bon matin! Oui, c'était Motorhead avec Ace of Spades, probablement la pièce la plus connue du groupe, qui, en fait, Lemmy, justement, parle de ses... J'ai pas de problème de jeu parce que lui, il considère pas ça comme un problème. Il fait juste aimer jouer aux machines à sous. Temps, ouais, jouer au poker et tout. D'ailleurs, il parle de poker dans cette pièce Ace of Spades, simplement. C'est le roi de pique, ça? Pique? L'as de pique. L'as de pique, c'est ouais. Ça, l'as de pique. Et donc, c'était dans le cadre de la dernière chronique Phénomène, dans le cadre de l'Assemblage Requis avec François Olivier, Mathieu. Chose puis l'autre, là. Ouais. Les deux, là. Le duo assemblage oui. Les deux tapons. Les deux tapons. Les requins chantent. Ah oui, ouais, c'est beau. Qui attire pas beaucoup de monde. Non, attends ça. Motorhead, drôle d'affaire ça. Des accents, des trémas sur les deux O, mais ça change pas du tout la prononciation. Ouais, exactement. C'est pour faire beau, en fait. Ben oui. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur l'ami, il y a un documentaire qui vient de paraître sur lui, excellent. Vous pouvez vous procurer ça en DVD n'importe où chez vos vendeurs de disques. Ouais. Sinon, il y a sûrement plusieurs cedars et plusieurs liters. Oui, probablement. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est hyper intéressant comme documentaire et c'est on voit à quel point c'est un monstre de la musique. Ouais. Ben, merci beaucoup, Simon, pour cette merci dernière chronique. Merci beaucoup, plaisir. Et pour les chroniques tout au long de la session. Ben, ça m'a fait plaisir. On va te retrouver sûrement jeudi, le 28 avril, entre 13h et 17h, en compagnie des autres chroniqueurs d'Assemblage Requis pour notre belle petite émission fin de session. Ben, certainement. Ouais. Tu restes avec nous aussi pour la chronique de François Landry. Oui. Le Gocratie 101 qui s'en vient tantôt. Pour l'instant, François, Oui, on va l'entendre, on a créé un monstre. Oui, avec la pièce Je pleure ou je ris à Assemblage Rocky. Assemblage Rocky est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, Assemblage Rocky en pièces détachées. Encore une vingtaine de minutes à cette dernière édition de la saison d'Assemblage Rocky. Ah, François! Avant la fin! Qu'est-ce qu'on va faire? On va se voir cet été. Ouais, ou encore jeudi prochain entre 13h et 17h, heure de l'Est. Hors de l'Est. Oui, avec tous nos chroniqueurs. On accueille François Landry. Voici sa dernière chronique de Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Et sûrement la dernière fois qu'on entendra cet homme dire « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Mais c'est ça, c'est la dernière chronique de la saison. Il faut le préciser à toutes les chroniques. Quand on dit dernière chronique, c'est pour le moment. Ouais. Le futur nous réserve plein de surprises. Oui, et... plein de mystères. Et oui. Donc aujourd'hui, ton sujet devinette du jour. Oui. Avez-vous trouvé c'est quoi non. ce mot-là? C'est un chaudron, François disait. Ben, le creuset, c'est un ça chaudron. Ça ressemble beaucoup à ça, mais on a utilisé le mot pour faire... En tout cas, le nom, c'est creuset de fin de session. Ouais.